rapper fort, ton gros est dangereux. C'est le mec, on m'a dit pas, ici c'est dead, mec. J'suis venu pour le titre, pour le chèque, le meilleur et pour le pire, par là pour rire. Intouchable, tu peux qu'arracher mes stickers. Et le style a bien la gueule d'un missile Stinger. On a dit que j'avais le vice, c'est la vertu. Et que j'aurais plus d'ouverture sans mes zones disques. Bouge pas, on m'a dit Rome, j'suis pas les chromas. J'suis venu en paix, un 44 contre l'estomac. On m'a dit qu'il y avait de l'or et des lauriers. Dehors la météo affiche boobs, le météore. J'serais pas la putain de l'état. Négro, bientôt j'ouvrirai même plus leur putain de lettres. On m'a dit de changer des mots pour pas que les petits me suivent. Pas grâce à moi qui pense à donner devant leur petit. On m'a dit oh, t'es bon qu'à squatter les halls. Et leur dernière vision sera un gun et un chauve. On m'a dit pas, sans leur montrer de quoi t'es capable. Fais attention, on m'a dit que lui c'est un show. On m'a dit oh, regarde ce qu'on fait pour de l'argent. Mais ferme ta gueule, m'a dit l'agent. On m'a dit non, c'est trop sombre, ça nous ressemble pas. Mais quand j'arrive, écrit tous tout bas, boum. On m'a dit, rentre pas trop tard et fais tes devoirs. J'ai dit ouais, c'est là le vrai qu'elle préfère. Que le crime paie, frère. Dans les oreilles, 20 000 watts. Le pays a mal, Chirac m'a dit arrête, pourtant je vais que 1000 watts. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand sans hésiter. Je me suis retourné, j'ai dit ben, je veux tout niquer. Pourquoi je suis mal chroniqué? Eh oh, j'ai les crocs. Les crocs, je suis venu faire mal, parole de soninké. Vous auriez dû me laisser mes chaînes. Je remplis chèque, barré et back, snake. Heureux si j'atteins la trentaine. On a failli me dire chien, voilà ta paye. On m'a dit je t'aime et je saigne, j'ai dit je sais. Artisanal C4 pour le D4. On m'a dit range-toi, fais des mots, me change. On me l'a dit 100 fois. On m'a dit de changer des mots pour pas que les petits me suivent. Pas grâce à moi qui pense à Tony devant la petite. On m'a dit oh, t'es bon qu'à squatter les halls. Et leur dernière vision sera un gun et un chauve. On m'a dit pas, sans leur montrer de quoi t'es capable. Fais attention, on m'a dit que lui c'est un show. On m'a dit oh, regarde ce qu'on fait pour de l'argent. Mais ferme ta gueule, m'a dit l'agent. On m'a dit non, c'est trop sombre, ça nous ressemble pas. Quand j'arrive, écrit tous tout bas, boum. On m'a dit que c'était qu'un ré. Ça vient de Paris, des grands ensembles. Du son près des enceintes, arabes sans encens. Un petit peu d'encens, truc à l'arrache pour l'escarlage. On s'y en bat, négro, t'as l'âge de bouffer le carrelage. On m'a dit ok, si tu t'auto-censures, nique ta mère. Et si c'est noir amer, comme un café sans sucre. J'm'infiltre, juste putain de négro sans filtre. Et téléphone sans fil, réveillonne sans suite. On m'a dit passer du gramme au kilo à la tonne. Fils de rester un bonhomme, du berceau à la tombe. Et on m'a dit soir sera pas possible ici c'est privé. Vous êtes pas VIP, vous faites flipper. On m'a dit t'es chelou, des culs les fesses, tu les trouves relou. C'est B2O du 9-12-O. On m'a dit changer des mots pour pas que les petits me suivent. Pas grâce à moi qui pense à Tony devant leur petit suite. On m'a dit oh, t'es bon qu'à squatter les halls. Et leur dernière vision sera un gun et un chauve. On m'a dit pas, sans leur montrer de quoi t'es capable. Fais attention, on m'a dit que lui c'est un show. On m'a dit oh, regarde ce qu'on fait pour de l'argent. Mais ferme ta gueule, m'a dit l'agent. On m'a dit non, c'est trop sombre, ça nous ressemble pas. Et quand j'arrive, écrit tous tout bas, booba. T'es bon qu'à squatter les halls. Et leur dernière vision sera un gun et un chauve. On m'a dit pas, sans leur montrer de quoi t'es capable. Fais attention, on m'a dit que lui c'est un show. On m'a dit regarde ce qu'on fait pour de l'argent. Mais ferme ta gueule, m'a dit l'agent. On m'a dit non, c'est trop sombre, ça nous ressemble pas. Quand j'arrive, écrit tous tout bas, booba.